vous présente Madame de Saint-Amarante. Je rends hommage à sa beauté, mais pourquoi ce nuage sur son front attristé? Pourquoi, ce nuage sur son front attristé? Pourquoi? Je suis veuve d'un colonel qui mourut à la guerre. J'ai chez moi, au regret éternel, son casque sous un verre. Maintenant, je vis à l'hôtel, mais de telle manière que de du haut du ciel, sainte mère dernière. Il est content, mon colonel, il est content, mon colonel. Et messieurs, le dîner est servi. Bon, voilà ce que je craignais. Ce n'est pas là du bon français. Vos convives, Dieu me pardonne, ne sont pas distingués. Que voulez-vous que l'on vous donne pour ce que vous payez? Par Saint-Crépin, par Saint-Crépin, nous arrivons et le chemin pour manger nous a mis en train. Par Saint-Crépin, par Saint-Crépin, nous avons téléphoné du diable et nous voulons nous mettre à table. Par Saint-Crépin, par Saint-Crépin, par Saint-Crépin, par Saint-Crépin. On est venu m'inviter, oh la la la la la la la. À dîner, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Je réponds sans façon que je voulais bien, pourvu que ce soit bon et que ça ne coûte rien. Attends! papa, sans nous, sans nous, sans nous, sans nous, sans nous, sans nous, sans nous, sans nous, sans nous, sans nous, sans nous, sans nous, sans nous, vers ce pays si doux. Elle est là-bas, elle est là-bas, cette contrée adorée, où l'on voudrait, où l'on voudrait vivre toujours, vivre toujours. Filons, filons, vers la terre promise. Bonne brise, allons en paix, et des amours, allons en paix, et des amours, allons en paix, et des amours. Filons, filons, filons, filons, vers le pays des amours. Oh. Votre ami a craqué dans le dos, dans le dos. Votre ami a craqué dans le dos, dans le dos. Mon ami a craqué dans le dos, dans le dos. Oui, son ami a craqué, craqué dans le dos, dans le dos. Cela gâte ce beau costume. Devant la de l'anglais accro, il pourrait attraper un rhume. Par où tenez-vous en repos? Oui, mais son habit a craqué. Oh, bon, son habit a craqué. Mais non, son habit a craqué. Oh, bon, son habit a craqué. Oui, il a craqué dans le dos. Comment son habit a craqué? Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Il a craqué. Craqué, craqué, craqué, craqué dans le dos. Par où tenez-vous en repos? Par où tenez-vous en repos? Baron. Oui, votre habit a craqué. Votre habit a craqué dans le dos, dans le dos. Votre ami a craqué dans le dos, dans le dos. Mon ami a craqué dans le dos, dans le dos. Oui, son ami a craqué, craqué dans le dos. Oui, son ami a craqué. Oui, son habit a craqué. Il a craqué dans le dos. Il a craqué dans le dos. Je suis comme folle et ma tête s'envole en feu toujours. me sens libre. Pardi, pardonnez-moi, je reste encore. Je suis comme folle, ma tête s'envole. Au feu, je vis. La la la la la la la la la la la la la la. Jamais l'air de connaître ces messieurs quand vous les servez, vous les servez, vous les servez. Si parfois au bras d'une actrice un homme gravissime se glisse, fermez les yeux, ne gênons pas les amours, ne gênons pas les amours. Fermons les yeux. Fermons les yeux. Ne gênons pas les amours, les amours. Fermons les yeux. Fermons les yeux. Fermons les yeux. Fermons les yeux. Quelquefois la porte résiste, soyez prudent. En pareil cas, en pareil cas. Garçon maladroit insiste, mais le malin n'insiste pas, n'insiste pas, n'insiste pas. Sans frapper, partez au plus vite, et quand vous reviendrez ensuite, fermez les yeux, ne gênons pas les amours, ne gênons pas les amours. Fermons les yeux, ne gênons pas les amours, les amours. Fermons les yeux, fermons les yeux, fermons les yeux. Madame, je le veux bien, baron. Souffrez que je réclame. Je ne vous dis pas non. La comtesse est exquise. Taisez-vous, Romiro. M'acceptez-vous, marquise. Commandant général. Vous ne m'aviez pas prévenu de cela. C'est une tare dans la famille. Ne nous lançons pas tout de suite. Allons doucement. Piano, piano, piano, c'est ce dire dans qui va piano, bassano. Qui va piano, piano, qui va piano, piano, piano, piano, qui va piano, piano, bassano. Qui va piano, piano, piano, piano, piano, qui va piano, piano, piano, piano, qui va piano, bassano. Qui va piano, piano, qui va piano, piano, bassano. Plan de campagne, là-bas en quoi se grise-t-on? En Bourgogne! En Bourgogne! Et vous, en Champagne! En Champagne! Et vous, en Bourgogne! En Bourgogne! Et le baron, en tout! En tout! Moi je me grise en tout! Cette réponse est de bon goût, cette réponse est de propos. Si nous voulons nous amuser en nous grisant, il faut marquise, il faut dire un tas de bêtises. Nous allons dire des bêtises. En endossant mon uniforme, je vis qu'il n'était pas complet. Je m'aperçus la queue énorme que je n'avais pas mon plus bleu. De nos hôtes chantons la gloire, toutes deux, ils savent nous charmer. Oui, toutes deux, car l'un nous fait boire et l'autre, elle nous fait aimer. Ah, ah, ça commence, ça commence. Tout tourne, tourne, tourne, tout danse, danse, danse. Et voilà déjà que ma tête s'en va, elle s'en va, elle s'en va. Et voilà déjà que ma tête s'en va, mais oui, elle s'en va. Tout tourne, tourne, tourne, tout danse, danse, danse. Et que ma tête s'en va, elle s'en va, elle s'en va. Et que ma tête s'en va, et oui, elle s'en va. Volontiers, je fais longue pause quand on me verse du bon vin. Je prends racine où l'on m'arrose comme une fleur dans un jardin. Ce que je ne m'explique guère, c'est pourquoi l'on boit à Paris le mauvais vin dans les grands verres et le bon vin dans les petits. Ah, ah, ça commence, ça commence. Tout tourne, tourne, tourne, tout danse, danse, danse. Et voilà déjà comme ma tête s'en va, elle s'en va, elle s'en va. Et voilà déjà comme ma tête s'en va, et oui, elle s'en va. Tout tourne, tourne, tourne, tout danse, danse, danse. Et déjà ma tête s'en va, elle s'en va, elle s'en va. Et déjà ma tête s'en va, et oui, elle s'en va. À la marquise, à la marquise, à la duchesse, à la duchesse, à la baronne, à la baronne, à la comtesse, à la comtesse, à la marquise, à la duchesse, à la baronne, à la comtesse. Cette santé, c'est la tienne. Amiral, ta main dans la mienne. Ta femme est belle en vérité. Ah, vous baron. Ah, vous baron. Ah, vous baron. Ah, vous baron. Par Dieu, je vous ferai raison. Par Dieu, je vous ferai raison. Il est gris. Il est gris. Il est gris, tout à fait gris. Il est gris, moi pas gris. Il est gris, vous tous gris. Il est gris, tout à fait gris. Il est gris, il est gris. Il est gris, tout à fait gris. Il est gris, moi pas gris. Il est gris, vous tous gris. Il est gris, nous sommes tous gris. Quand on boit, il est une chose qui me surprouve, mes amis. C'est que pour tout voir en rose, il faille soi-même être gris. Quand on boit, il est gris, il est gris. Tout tourne, tout tourne, tout danse, tout danse. Tout tourne, tourne, tourne, tout danse, danse, danse. Et voilà déjà comme elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va. Et voilà déjà comme elle s'en va, et oui, elle s'en va. Tout tourne, tourne, tourne, tout danse, danse, danse. Et déjà comme elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va. Et déjà comme elle s'en va, et oui, elle s'en va.